On n'est pas dans la même moyenne de classe. Je vais pas subir, mais agir. En mode mec qui s'en bat la race. Tu me feras pas un deuxième trou de balle, à hors trace, avant que je t'efface. Ouais, écoute ça. La haine attire l'amour, l'amour attire la haine. Ma petite société est en crise, de nerfs, c'est un pour mon entreprise. Chef d'équipe, je te nique, salaire inconséquent. Et d'autant plus que tu prends pas des gants pour nous parler, alors je vais improviser. Appelle-moi monsieur le proviseur, des travaux finis, et on ira jusqu'au tribunal, dans ton trou de balle. Je vais pas y aller par quatre chemins. Moi je commande, toi t'exécutes, et si toi heureux d'avoir la grosse tête, je te prends pour quelqu'un d'hilarant. Ces mecs qui se sentent plus pisser, l'offre et la demande supérieure, conséquence, envoyez les voir ailleurs si j'y suis. Pour qui tu te prends? Tu chies, pareil que moi, je te fais un dessin. J'évacue la main de tes tuyauteries, ils veulent recruter, te font confesse à leurs règles. Moralité partout, se fait niquer, balade ce match merde. Tout ce petit monde est réuni au sein d'une entreprise. Et je t'explique ce que je suscite, ma vanité. On n'est pas dans le même moyen de classe. Je vais pas subir, mais agir. En mode, mec qui s'en bat la race. Tu me feras pas un deuxième trou de balle, alors trace, avant que je t'efface. Ma carte de visite virtuelle, moi un droit pour commencer. Comme tout à un début, lance-toi à fond. Ne fonce, ne rate pas si t'es, on te met la pression. C'est pour t'enfoncer, alors pas question, t'as raison. Ils croient me faire raisonner, mais je suis persuadé. Ma quête s'arrêtera pas à ces têtes d'allumer. La Emily de mes testicules, j'ai des comptes à régler. Paul de la jeunesse à la recherche de Phineas en disant en passant. Alors qu'ils se prennent un porte-parole du gouvernement. Sans sentiment, oui, ils sont gourmands. Ils veulent nous mettre dedans ce système. Mais tes projets qui leur apportent une paye pour en parler, autant aller voir une psy, faut l'avouer. Cela est hystérique, car ils sont là pour te garder au plus longtemps. C'est ce qu'ils attendent, d'où c'est à oublier, autant aller voir l'assistante sociale. Je suis pas un cas social, c'est radical, car j'interviens là où ça fait mal. J'ai de l'expérience et je suis en avance rapide sur mon temps. Ça m'a valu dans ma jeunesse une répercussion, et maintenant je passe à l'action, sans hésitation. J'ai trop subi, donc j'abats mes cartes. J'en ai rien à foutre de toute cette politique. Il faut en profiter tant que c'est possible de ce système. Car ton voisin ne demandera pas ton autorisation. Pour passer avant toi, c'est un lieu, mais c'est les lois qui le veulent. Tu trouveras toujours des gens pour dire que c'est bien, et d'autres qui vont le contester. Alors que, où ton cœur balance, car tout se passe maintenant. J'applaudis tous ceux qui contournent les lois et qui font du black. On s'aperçoit que d'être honnête, ça ne paye pas tout le temps. La moyenne du méros, c'est de trouver un travail. J'ai pris le gouvernail et je taille là où il y a des gens à qui ça arrange. Que je propose mes compétences. Dans la matière, pas le temps de mettre un pied à terre. J'accélère dans ma carrière. Et pas besoin de repasser derrière moi. Le service après service, on t'aura la monnaie de ta pièce. C'est à toi d'en tirer profit. À des prix parfois gratuits, c'est bien à profiter. S'entraider, s'unir est la seule force qui nous reste. Après tout, j'emmerde tous ces richoux, jaloux de nous, quand on trouve des combines pour s'en sortir. Yeah, fuck.